的美国的话就是一亿的一个化学不用的一方面的一个一个方法不用的第一次的话不用说的话好的好的好的好 的 好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好 的好的好的好的 好的好的 Donc ils comportent deux chapitres, la partie de la partie qui sont représentées par l'inflammation muqueuse gastrique. Donc on parle d'estomac, donc c'est un tube digestif. Donc une pathologie de l'estomac, donc l'inflammation à l'intérieur, surtout la partie qui est exposée aux agressions externes. Donc, la partie la plus exposée aux agressions externes, c'est la lumière. Donc la couche qui est en contact avec la lumière, c'est la muqueuse. Donc l'inflammation de la muqueuse est appelée gastrique. Donc il y a dans tous les processus inflammatoires, et il y a les gastriques, le processus aigu et le processus chronique. Donc il y a les processus aigus qui sont généralement dus à des substances corrosives et nocives pour l'estomac, et c'est un qui est passagère. Et il y a les processus chroniques, ou la pathologie chronique, qui sont des gastriques chroniques et qui sont susceptibles d'être le siège de complications comme ulcère gastrique et cancer de l'estomac. D'accord? Puis il y a la pathologie ulcéreuse en complication de la pathologie inflammatoire ou une agression brutale de la muqueuse gastrique, de la paroi gastrique, et puis il y a des tumeurs de l'estomac. Donc c'est un cours qui est un petit peu long. On va essayer de faire donc, deux séances. Je vais commencer donc dans les glandes salivaires, donc anomalies congénitales qui sont exceptionnelles, anomalies inflammatoires des gastriques et pathologie néoplasique. Donc, comme rappel, anatomique, donc l'estomac, c'est un sac qui a la forme d'un G. Donc, il y a une portion verticale, une portion horizontale, il y a un orifice cardiaque, un orifice pyloïque. Il y a donc subdivisé en quatre zones, le cardiaque, le tendus et le corps, et en trépied. D'accord? Pourquoi cette distinction de zones? Parce que la composition de la muqueuse, elle est variable, l'estomac du cardiaque vers l'entre. Au niveau du cardiaque et l'entre, les glandes sont surtout des glandes mucosécrétantes. Le corps et le tendus, donc c'est la plus grande partie de l'estomac, donc a besoin de glandes qui est seulement indispensable à la digestion. Donc c'est un confort des cellules dites pariétales, c'est en rapport avec la paroi. Ce sont des cellules qui sont responsables donc la sécrétion de l'acidité, d'accord, de la pepsine. Sur le plan histologique, donc sur le plan histologique, dans tout tube paroi, donc la paroi est faite dans tout le tube digestif de 5 tuniques, sauf la vésicule biliaire qui est faite de 3 tuniques. Donc, cette tunique, c'est la muqueuse. Donc, une muqueuse, c'est la partie fonctionnelle de l'organe, de la paroi, qui comporte l'épithéme surface, les glandes et le chorion. Cette muqueuse a besoin d'une musculose, d'un tonus et d'une force pour résister aux agressions mécaniques du bol alimentaire et bien sûr pour pousser la sécrétion des glandes gastrique, donc a besoin d'une couche fine de fibres musculaires, c'est la musculature muqueuse. Et puis il y a une sous-muqueuse qui est un tissu conjonctif et adipeux qui comporte des vaisseaux et des fils nerveux qui sont indispensables à l'innervation et à l'apport nutritif pour la muqueuse gastrique. Puis bien sûr, l'estomac c'est un organe de digestion, bien sûr enzymatique et aussi mécanique, donc il a besoin d'une force musculaire plus importante que la musculature muqueuse, donc d'une musculose. Là, au niveau de l'estomac, la musculose, elle est plus épaisse, contrairement aux autres musculoses utilisées qui sont de deux tuniques. Donc la fonction c'est faire transporter le péristaltisme intestinal. Puis il y a la couche, la sous-sérose ou la sérose péritoneale, c'est une couche de cellules mésothéliales. Entre la couche avec des cellules mésothéliales et la musculose, c'est le tissu conjonctif ou adipeux, c'est la sous-sérose. D'accord. Donc la majeure partie des la pathologie de l'estomac, elle est localisée au niveau de la muqueuse. Donc, c'est la gastrite, soit des gastrites chroniques, des gastrites aiguës, cardiales, syndiques ou ventrales. Et les tumeurs se développent essentiellement à partir de la couche muqueuse. Les autres tumeurs qui se développent à partir des autres couches, musculaires, muqueuses, sous-muqueuses et musculaires, ce sont des tumeurs, bien sûr, qui ne sont pas épithéliales. Ce sont des tumeurs mésenchymateuses, des ioniums à partir du muscle musculaire, etc., qui sont des tumeurs exceptionnelles. Bien sûr, le processus inflammatoire transpariétal au niveau de la paroi gastrique, il n'existe pas, sauf dans la maladie ulcéreuse qui atteint toute la paroi jusqu'à la perforation. Les autres inflammations, comme la maladie de Crohn, gastrique. Donc, pour la pathologie, il y a les anomalies congénitales qui sont rares. J'ai cité deux exemples, l'hétérotopie pancréatique qui est fréquente. C'est quoi? C'est la présence d'un tissu pancréatique au niveau dans l'épaisseur de la paroi gastrique. Donc, sous hétérotopie pancréatique, donc elle peut être de découverte fortuite ou symptomatique. À l'occasion d'un examen échographique ou là, où on peut découvrir un nodule intrapariétal qu'on peut qualifier comme un nodule tumoral mésenchymateux. Lorsqu'on fait une exérèse de ce nodule qui est échographiquement et radiologiquement bénin, donc on retrouve du parenchyme pancréatique en plein musculeuse ou en plein sous-muqueuse de la paroi gastrique dans une hétérotopie. Une stinose du pylore, elle est due à une hyper... Oui. Parce que, s'il vous plaît, cette hétérotopie, vous avez dit qu'elle peut être symptomatique. Oui. Elle se manifeste par quoi? Soit par des douleurs, ou la... Des douleurs, ou la... Si elle est très, très importante... Sécrétoire, non, parce que c'est une glande beaucoup plus... Elle est endocrine avec des glandes exocrines, qui n'a pas de fonction avec un retentissement sur le plan symptomatique. Elle peut être douloureuse si elle prend du volume, ou là si le nodule est volumineux, mais généralement des découvertes fortuites à l'occasion d'exploration radiologique, etc. D'accord. Sténose du pylore, elle est due donc sous maladie congénitale, elle est due à une hypertrophie du sphincter pylorique, donc qui se manifeste par des vomissements, le diagnostic est clinique, donc il n'y a pas d'indication d'examen anatomopathologique, bien sûr. L'examen, la chirurgie, donc par myotomie, donc sur ouverture longitudinale du sphincter, va entraîner une guérison complète. Donc on passe à la pathologie inflammatoire, c'est les gastrites. Lorsqu'on parle de gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse. D'accord? Pour le malade, donc, cette symptomatologie, c'est ce nom, ce mot gastrite, donc il est de signification variable. Pour le malade, donc, il se manifeste par des épigastralgies. Donc, malade qui vous dit épigastralgie, donc ça sous-entend une gastrite sous-jacente. Ou surtout pour le gastrologue ou pour l'endoscopiste, c'est une anomalie de la muqueuse qui se manifeste par un œdème de la muqueuse ou un aspect hyperhématique ou hyperhémie de la muqueuse. Et pour l'histologie, pour les histopathologistes, donc c'est une maladie inflammatoire de la muqueuse, c'est-à-dire c'est la présence d'un infiltrat inflammatoire au niveau de la muqueuse. Pour rappel, que le chorion de la muqueuse gastrique ne comporte pas à l'état normal d'éléments inflammatoires. Donc elle comporte seulement des tissus conjonctifs de soutien et des vaisseaux sanguins nourriciers. D'accord? Si on retrouve des éléments inflammatoires, donc c'est un signe de gastrite, que ce soit aigu, ça dépend de la composition de l'infiltrat inflammatoire. Donc il faut savoir aussi qu'il n'y a pas une bonne corrélation entre les signes cliniques, la sévérité des images histologiques et l'aspect clinique. Donc on peut retrouver une gastrite qui est un stade évolué sur le plan histologique, mais qui est asymptomatique sur le plan clinique ou avec des lésions endoscopiques qui ne sont pas très importantes et le contraire. Donc gastrite, sous définition, elle est histologique, c'est la présence de l'infiltrat inflammatoire qui te donne le diagnostic de certitude. Donc bien sûr, l'exploration des gastrites se fait pas par une exérase de l'organe, par une gastrectomie, c'est une biopsie, hein, via un examen fibroscopique. Et ces fragments biopsiques seront étudiés par le pathologiste, hein, donc, en confirmant que, en posant le diagnostic de la gastrite, et en identifiant le siège, bien sûr, c'est une gastrite ventrale ou la lymphatique ou la VA, et dire si elle est aiguë ou chronique. Généralement, les gastrites aiguës, donc c'est un phénomène qui est rapide, 2 à 6 heures, donc il n'est pas avec une cause qui est connue, par exemple les médicaments nocifs pour l'estomac comme les ARNAS ou ingestion d'un produit caustique comme Dojardin, etc. Donc la cause elle est connue, donc c'est pas la fin de faire des biopsies pour explorer une gastrite aiguë. Donc on ne fait pas de biopsie pour l'exploration d'une gastrite aiguë. Donc s'il y a une gastrite chronique, il faut déterminer, c'est de déterminer l'étiologie, est-ce qu'elle est infectieuse, auto-immune ou autre. Bien sûr, et il y a des systèmes de grading variables. Donc le système qui est recommandé en pratique courante, c'est le Sydney System. C'est un système utilisé par les pathologistes qui recommande un volet endoscopique de faire minimum 5 biopsies pour l'exploration des gastrites chroniques, 2 biopsies au niveau du fundus et le corps, 2 biopsies au niveau de l'antre et une biopsie au niveau de l'angulus. L'angulus, c'est la jonction des deux portions verticales et horizontales le long de la petite courbure, parce que c'est la zone là où il y a plus de chances d'avoir des foyers de métaplasie intestinale, de dysplasie ou d'ulcère gastrique ou de dégénérescence carcinomateuse. Donc le Sydney System pour le côté étiologique, donc il y a les gastrites aiguës, les gastrites chroniques. Les gastrites chroniques qui sont subdivisées en gastrites infectieuses représentées essentiellement dans 80-90% par les gastrites à Helicobacter pylori et les gastrites auto-immunes qui représentent 10% des cas, et les autres gastrites sont placées dans les gastrites de type C pour la spécifique. Les gastrites spécifiques comme les bactériennes comme la tuberculose, virale, parasitaire, anémateuse, Crohn's, sarcoïdose, etc. Le type particulier de gastrite récemment décrit, ce sont les gastrites lymphocytaires et les gastrites à hyperhidrosis. Diapo. Donc les gastrites aiguës, donc c'est un phénomène qui est fugace, rapide, donc non biopsié, défini par des lésions endoscopiques. Des lésions endoscopiques, donc un phénomène aigu, ça est rapide, donc ce sont les signes cliniques, hein, les signes cliniques de l'inflammation aiguë de la phase vasculo-exudative du processus inflammatoire, qui est représenté par l'œdème et une congestion vasculaire, c'est-à-dire la phase aiguë. Donc, la phase aiguë sur le plan clinique, il se manifeste par les 4 signes cardinaux. Chaleur, douleur, tumifaction, rougeur. D'accord. Donc, si le plan endoscopique est estomac, donc c'est pas une peau, on a un aspect estomac, donc un aspect luisant, œdémateux, hyperémique, avec parfois des érosions de la muqueuse en surface. Sur le plan étiologique, plusieurs substances qui peuvent être nocives pour l'estomac, pour la muqueuse gastrique, ce sont des médicaments, des substances corrosives, alcool, stress, etc. Sur le plan morphologique, donc, on retrouve, donc, c'est une gastrite, donc on est dans les muscles, dans la muqueuse, donc on retrouve un œdème, donc un élargissement du tissu conjonctif qui devient un aspect large parce qu'il est plein de dalles. Et bien sûr, les éléments inflammatoires de la phase aiguë, ce sont les... Quels sont les éléments de l'inflammation aiguë? Les polynucléaires, les neutrophiles. Voilà, les polynucléaires, ce sont les microphages. Les microphages qui sont dans leur rôle, c'est la détersion, la phagocytose et la détersion du foyer inflammatoire. Donc les premières cellules inflammatoires qui arrivent dans le site inflammatoire lors du processus inflammatoire, ce sont les polynucléaires, neutrophiles. Si les déchets et l'agent causal, par exemple infectieux ou les disruptions cellulaires sont éliminés avec une détection du foyer amateur par les polynucléaires neutrophiles. Donc, tous ces mécanismes sont suffisants. Donc, c'est restitution à des graves et le mécanisme de passé inaperçu. Si les causes, c'est la cause, elle est toujours présente, par exemple, un processus entre humains, une infection, une pathologie infectieuse comme l'hélicobactère pylori, donc il y a un passage obligatoirement à la chronicité, passage à la chronicité, donc le traitement d'éléments inflammatoires de la base du granulome inflammatoire, c'est le processus de il y a des dégâts inflammatoires toujours présents, donc il y a un traitement de fibroblastes pour un remplacement, une cicatrisation fibrose, donc des dépôts de fibrose, donc une atrophie de la muqueuse, donc une fibrose de remplacement, donc une atrophie de la muqueuse, diminution de la sécrétion, muqueuse réduite, exposition aux agents, autres agents, donc possibilité d'ulcération, réparation épithéliale, donc on va détailler par la suite. Donc si le plan atteinte légère, donc près d'un congestion, c'est le plan donc si on défend sévère, érosion, hémorragie, c'est la gastrite aiguë. Donc sur le plan histologique, donc le signe, l'inflammation aiguë, la phase aiguë, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Et sur le plan épithélial, donc l'épithélium surface, c'est les glandes. Donc l'épithélium surface, il est détruit par sa substance corrosive. Donc et l'agent causal, il est éliminé parce que c'est une exposition qui est rapide. Donc il y aura une régénération épithéliale. C'est pas métaplasie. Métaplasie, c'est un remplacement d'un épithélium normal par un autre épithélium qui n'est pas dans sa place. D'accord ? Donc, régénération, c'est la formation d'un nouveau épithélium. Un nouveau épithélium. Donc cette régénération, elle te donne un aspect pseudo-dysplasique. Donc c'est quoi une dysplasie ? C'est une lésion très cancéreuse histologique qui est caractérisée par des atypies cytonucléaires. Donc c'est le point de départ du processus carcinomatose, d'accord, dans les épithéliums. Le premier processus, c'est-à-dire le point de départ du processus carcinomatose, c'est la dysplasie. Donc c'est les cellules commencent à se multiplier, mais à un degré de multiplication qui est variable avec les atypies, donc le noyau, et il commence à se multiplier, donc il devient gros avec des nucléoles à la fin de la première année, donc la réplication de l'ADN, donc la chromatine s'ouvre, les nucléoles ils deviennent visibles. Bien sûr, avec des images de mitose, c'est Radis murale anisocarium, donc avec le noyau serait donc de taille variable, ce sont des anomalies nucléaires et des anomalies cytologiques, donc des cellules qui sont de taille variable. Le cytoplasme, au début, l'épithélium à l'état normal, l'épithélium gastrique, c'est un épithélium qui est mucosécrétant, donc le cytoplasme contient du mucus, donc c'est un aspect qui est clair, donc il se crée du mucus qui lubrifie la lumière et la muqueuse gastrique. Donc, la cellule qui est en phase de régénération, qui est détournée vers la régénération pour former une autre cellule. Donc, le cytoplasme, donc, il va arrêter le processus fonctionnel. Donc, tous les organites vont se diriger vers la synthèse des différents constituants de la cellule. Donc, le cytoplasme devient chargé d'organites. Les ribosomes, pour synthétiser les différents constituants des cellules d'une nouvelle cellule. Donc le cytoplasme devient chargé, donc il devient un aspect qui est basophile. Un aspect basophile, c'est un aspect qui est dense. Donc l'épithélium, donc, qui est dans les berges d'érosion ou d'ulcération, il perd son aspect clair mucosécrétant, il devient un aspect qui est basophile avec des atypies cytonucléaires. Donc c'est la phase de régénération, donc il te donne un aspect pseudo-dysplasique. Pourquoi pseudo-dysplasique? Parce que les cellules vont se multiplier, le noyau devient gros, avec des divisions et des mitoses. C'est pour ça, cet aspect, ça ressemble à une dysplasie. La dysplasie fait un dégrade, va grade, off grade, avec, donc on va le détailler dans le processus carcinomatose. Diapo. Donc c'est l'aspect endoscopique, là c'est un estomac, il y a un aspect hyper luisant, dû à la présence de l'œdème, hyperémie, avec une congestion vasculaire très importante. Sur le plan histologique, ce sont des images qui ne sont pas très, très jolies. Ça, c'est un tissu conjonctif et lâche. Il y a des polynucléaires qui ne sont pas très visibles, avec une hyperplasie décrites. Décrites sont c'est l'imagination, donc décrites de surface, c'est l'imagination religieuse en profondeur. Elle décrit son aspect variable selon la zone de l'estomac. Et au fond des cryptes, il y a des glandes qui vont s'ouvrir dans le fond des cryptes. D'accord ? Donc il y a un contingent épithélial de surface qui s'invagine en crypte, et il y a un contingent épithélial vraiment du mur. D'accord ? Donc il y a des cryptes qui sont hyperphasiques, avec un aspect vasophile, ils voient sont de taille variable, ils te donnent l'impression que c'est un épithélium qui est myophasique, mais c'est un épithélium qui est régénératif, en connaissance bien sûr du moment. Bien sûr des circonstances de la biopsie et de la lésion, donc on peut faire la différence entre un épithélium dysplasique et un épithélium régénératif. Yeah. Question pour les gastrites aiguës. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, je pense. Donc les gastrites chroniques, là, lorsqu'on parle de chronicité, sur le plan clinique, c'est une pathologie qui évolue au-delà de 6 mois. D'accord? Sur le plan histologique, définition anatomopathologique et histologique, c'est la présence d'un infiltrat inflammatoire. Les éléments qui sont en faveur des éléments cellulaires, ce sont les lymphocytes et les plasmocytes. C'est surtout les plasmocytes. C'est on retrouve des plasmocytes dans les biopsies gastriques. Hein? Donc, c'est un signe indirect de la chronicité du processus inflammatoire. D'accord ? Plus ou moins métaplasie et atrophie. Là, on va l'expliquer par la suite. D'accord ? Le signe système, donc, il décrit 3 types de gastrite chronique. Les gastrites chroniques de type D, ce sont les gastrites à Helicobacter pylori qui représentent la majeure partie des gastrites chroniques. Les gastrites chroniques de type A ou la auto-immune. Et les autres types de gastrite sont classés dans le groupe C, ou les gastrites spécifiques, ou les formes spécifiques. Donc, les gastrites à Helicobacter pylori, donc Helicobacter pylori, c'est l'étiologie la plus fréquente, en 50% d'elle est asymptomatique, c'est la gastrite à Helicobacter pylori. Donc, l'atteinte, essentiellement, sont les gastrites ventrales. L'atteinte, elle est soit entrale, donc le siège de prédilection de HP, hein, c'est l'antre. Mais elle peut être multifocale. Donc, cette distinction entre gastrite chronique, donc c'est pour ça que le système il recommande de faire des biopsies dans des endroits différents. Et chaque endroit est adressé à part et examiné à part. Parce que les complications qui vont se découler à partir de la gastrite ventrale, de la topographie, elle est variable. Donc, gastrite ventrale seule, elle a une complication surtout pathologie ulcéreuse. La gastrite chronique multifocale, c'est-à-dire entrale et fendique, elle a des complications aussi bien ulcéreuses que cancéreuses. D'accord ? Donc, il faut savoir aussi que 90% de la population mondiale elle est atteinte d'Helicobacter pylori. Donc, les lésions histologiques sont de degré variable parce que, bien sûr, ça dépend aux souches de l'HP, la susceptibilité génétique de l'individu et les agents alimentaires ou nutritifs surajoutés, d'accord. Donc c'est pour ça le signe système, c'est un système de grading, c'est-à-dire chaque pour l'intensité de l'infiltrat inflammatoire, donc on dit gastrite chronique, intense, modérée ou légère. Pour l'hélicobactère pylori, est-ce qu'il y a beaucoup d'hélicobactères, une croix, deux croix, trois croix, pour la métaplasie elle est gradable. Donc il y a six critères gradables dans le signe système, on ne va pas le détailler. Grande complication des gastrites chroniques, c'est l'atrophie gastrique. Donc, je pense que c'est clair pourquoi c'est une atrophie. Une atrophie parce que, voilà, et là, si les lésions sont très anciennes, avec une activité de l'agent pathogène toujours présente, et des altérations cellulaires et tissulaires présentes toujours, donc processus inflammatoire toujours actif, donc une perte de substance, donc des dépôts microscopiques bien sûr de fibrose. Et va donc comme résultat, c'est une fibrose extensive qui va remplacer la charpente et la masse glandulaire, donc une atrophie gastrique. Une atrophie gastrique avec donc comme complication pour les gastrites chroniques atrophiques, c'est l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal, dans 70 à 93% des cas. Pourquoi cette ulcération duodénale? On parle d'un processus gastrique. Donc l'ulcère duodénal, c'est surtout une complication des gastrite chronique entrale seule. Pourquoi? Parce que là, il y a une physiopathologie qui est proposée. causée. C'est une gastrite ventrale, donc il y a une atrophie des glandes, une atrophie muqueuse, donc diminution du sucre muqueux, avec une acidité qui est toujours présente du fundus, qui est toujours élevée, fundus et corps. Donc cette hyperacidité, donc, elle est multipliée fois 2 ou 2 fois 3 par rapport à un sucre normal. Donc passage du sucre gastrique hyperacide dans le duodénum. Donc là, il y a une métaplasie gastrique au niveau duodénal. Colonisation, donc colonisation de l'HP au niveau duodénal. Donc bien sûr, le HP ne peut pas infiltrer ou pas vivre dans le duodénum parce que c'est un. Voilà, c'est un milieu biotique. Donc, parce que c'est un germe spécifique qui vit dans un milieu spécifique, hein, donc c'est l'estomac. À côté de glandes spécifiques, c'est un milieu acide, hein, donc il ne peut pas coloniser les foyers de l'épithélium intestinal. Donc, ce micro-foyer gastrique, donc il n'est pas dans sa place, donc il est fragile, donc il peut s'ulcérer, donc complication, c'est l'ulcère duodénal, c'est pour ça l'ulcère duodénal, et se traite par la trithérapie de la gastrite chronique, donc deux antibiotiques et un. Donc ulcère gastrique, donc c'est surtout c'est la gastrite multifocale, avec comme ciel de prédilection des gastrites, de l'ulcère gastrique chronique inflammatoire, c'est l'angulus. Donc c'est la jonction sur le long de la petite courbure. Et comme complication aussi, métaplasie intestinale, donc à côté de la régénération fibreuse et atrophie, et bien sûr, il y a une perte de substance, c'est-à-dire elle est microscopique par la virulence de l'hélicobacter pylori. Donc cette destruction épithéliale et cellulaire, elle doit être remplacée et régénérée, donc c'est la régénération épithéliale. Donc cette régénération épithéliale, elle est continue. Donc à un certain moment, donc, il y aura une faute de formation, donc une formation d'un épithélium qui n'est pas dans sa place, c'est la métaplasie intestinale. C'est-à-dire c'est la présence d'un épithélium qui ressemble à un épithélium duodénal ou la rélique iliale au niveau de l'estomac. Donc cette métaplasie intestinale, donc, c'est le point de départ, le point de départ du processus de la dégénérescence. Donc c'est une métaplasie intestinale. Vu bien sûr la prédisposition de l'individu et des facteurs, bien sûr, d'autres facteurs carcinogènes autres que l'hélicobacter pylori et certaines souches de l'hélicobacter pylori plus virulentes et plus, plus de réputation d'être à l'origine de dysplasie. Et bien sûr, on rapproche aussi la prédisposition génétique de l'individu. Donc, cette métaplasie intestinale peut être le siège de lésions de dysplasie. Lésion de dysplasie, c'est une lésion histologique très cancéreuse. Donc, les cellules, elles deviennent atypiques. Elles commencent donc à acquérir, donc, bien sûr, une dysplasie. Elle a un substratum moléculaire, une altération génétique au niveau du chromosome de la cellule. Donc, cette altération génétique, elle va se manifester par des anomalies phénotypiques. Donc, je vous ai dit phénotypiques, c'est le ton. Et le comportement cellulaire. Donc, c'est une dysplasie. Au début, c'est une dysplasie de bas grade. Donc, ça veut dire des atypies qui sont dans la couche basale. Le noyau, il se multiplie, mais très lentement. Et bien sûr, lorsque la lésion est ancienne, avec acquisition, donc le processus carcinomateux, c'est un processus qui n'est pas stable, il est évolutif. Donc, il y a à chaque étape de la maladie, donc à chaque étape. Du stade de la maladie, il y a un certain nombre d'altérations génétiques. Donc, j'ai dit dysplasie de bas grade, donc acquisition de nouvelles anomalies génétiques, bien sûr, c'est par rapport aux autres facteurs exogènes, HP, prédisposition, donc dysplasie de bas grade. Puis, atypie cytologique très importante, mais toujours en intra-épithélial, c'est-à-dire épithélium plutôt que membrane basale. Donc là, on est en in situ. Donc, si atypie très importante, toujours en intra-épithélial, c'est le cas d'un carcinome in situ, le carcinome in situ. Et bien sûr, cette lésion, elle est sans risque métastatique. Si on enlève cette lésion, donc le malade, il est guéri de façon définitive. Parce qu'il n'y a pas de contact de cellules tumorales intra-épithéliales avec la circulation sanguine, etc. acquisition de nouvelles, donc il y aura sélection d'un nouveau clone de cellules au sein de cet épithélium tumoral, ou ce foyer ou ce microfoyer, donc acquisition de nouvelles anomalies qui vont acquérir à la cellule la capacité d'infiltrer, de synthétiser l'enzyme capable d'infiltrer, de détruire la membrane basale, et bien sûr capacité de s'infiltrer dans le tissu conjonctif à la voie de stade de cancer. Voilà, alors on s'apprend invasif, l'adénocarcinome, c'est, définition adénocarcinome invasif, c'est le dépassement de la membrane basale. Et bien sûr, donc, les cellules vont acquérir les capacités d'infiltration, de destruction de l'organe régional, puis sélection de nouvelles, de nouveaux clones cellulaires, hein, qui sont capables, donc de nouvelles altérations génétiques, qui vont acquérir certaines cellules cancéreuses, la capacité d'infiltrer et de détruire les vaisseaux. Donc c'est la capacité, le pouvoir métastatique. C'est quoi? On est au début, les cellules sont incapables de s'implanter dans d'autres foyers. À un certain moment, donc elles vont acquérir de nouvelles anomalies génétiques. Et bien sûr, on va avoir des anomalies, de résistance à la chimiothérapie, résistance quand même capable. Donc bon, on va différenciation, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une complication, dégénération sous forme d'adénocarcinome. Là, lymphome, c'est quoi lymphome? Lymphome, il y a un lymphome bénin. Par définition, il n'y a pas de lymphome bénin. Donc, lymphome, c'est une tumeur maligne, du tissu lymphoïde. Voilà. Tissu lymphoïde va. Bien sûr, lorsqu'on dit un cancer de l'estomac, on dit donc c'est l'ensemble des tumeurs qui vont se développer à partir de différents constituants de l'estomac. Et on sait qu'au niveau de l'estomac, il n'y a pas de tissu lymphoïde à l'état normal. D'accord? Donc pour qu'il y aura un lymphome comme complication, il faut que l'estomac va acquérir un tissu lymphoïde. C'est le tissu lymphoïde qui est associé à l'infection Helicobacter pylori. Si donc, certains souches d'Helicobacter pylori vont induire des lésions de gastrite chronique, sont des lésions chroniques d'intensité sévère, hein, avec un filtre inflammatoire qui est très dense, riche en tissu lymphoïde, qui va s'organiser en follicules lymphoïdes. Donc c'est le tissu lymphoïde acquis, appelé MALT. Mycosate associated lymphoïde tissu. D'accord. Donc l'acquisition d'un nouveau d'un tissu lymphoïde au niveau de la muqueuse. Donc à partir de ce tissu lymphoïde, donc il y a possibilité de dégénération sous forme de lymphome. Donc le lymphome qui se dégénère à partir du tissu lymphoïde MALT, c'est un lymphome qui est de type B et l'appelé lymphome de type MALT. Lymphome de type MALT, tissu. Donc ce lymphome type MALT, alors il est dans l'estomac très en relation avec l'infection Helicobacter pylori. Donc, le type MALT, il est de bas grade. C'est pour ça certains stades du lymphome MALT ne se traitent par une antibiothérapie. Donc, c'est un lymphome qui est de bas grade. D'accord? Donc, en 2008, le lymphome MALT, elle était placée en mal de bas grade pour des tissus, un infiltrat lymphoïde tumoral qui est peu destructeur avec peu d'anomalies, c'est pas nucléaire. Alors, c'est un lymphome qui est de bas grade. D'accord? Donc, puis, il y a d'autres mal avec un caractère néoplasique plus important, destructeur très important et une métastatique très important et anomalie cytonucléaire, c'est justement MALT de Rockwell, mais à partir de 2008, on parle de MALT, qui par définition c'est un lymphome qui est de bas grade, indolent, un peu agressif. Il y a les lymphomes anciennement appelés haut grade avec anomalie, ce sont les lymphomes diffus à grande cellule B, comparable aux lymphomes diffus à grande cellule B, ganglionnaire, c'est un lymphome qui est agressif, dont le pronostic il est comparable aux adénocarcinomes. Donc là, je pense. On a fait toute l'explication de la gastrite dyssynchisologique et en complication, ulcère duodénal, atrophie gastrique, ulcère duodénal, ulcère gastrique, métaplasie intestinale, dégénérescence adénocarcinome, lymphome. Donc sur le plan histologique, c'est la présence de lymphocytes plasmocytes, surtout à la possibilité de follicules lymphoïdes. Hein, à partir de ces follicules lymphoïdes, donc acquisition d'un mâle, donc dégénérescence lymphome, et présence parfois de polynucléaires neutrophiles, on est en phase aiguë. Donc la présence de polynucléaires neutrophiles dans un processus chronique, il signe une activité de l'agent causal. C'est-à-dire, vous avez une infection à Helicobacter pylori qui est toujours active, présente, oui. Elle est très active, elle est virulente. Donc, par rapport à l'activité, s'il y a quelques polynucléaires neutrophiles, donc activité croît. Si les polynucléaires neutrophiles qui sont dans l'épithélium des glandes, c'est 2-3. Si les polynucléaires neutrophiles beaucoup et dans la lumière des glandes, c'est une activité qui est sévère. Et bien sûr, l'Helicobacter pylori, on le retrouve dans le film muqueux. C'est-à-dire sur la surface de la muqueuse gastrique. Et ça, cet Helicobacter pylori, il est mis en évidence par l'examen standard et par des colorations spéciales. Et bien sûr, donc, cette infiltration inflammatoire, cette gastrite chronique, elle peut se compliquer par une atrophie glandulaire. L'atrophie glandulaire, c'est la diminution de la masse glandulaire. C'est-à-dire qu'au début, si vous avez au niveau du fundus des glandes qui sont tassées, on retrouve un espace tissu conjonctif avec de rares glandes. Et cette atrophie, elle est gradale. Une croix, deux croix, jusqu'à trois croix. Métaplasie intestinale, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de d'épithélium gastrique métaplasique, ou là, je suis à 30, 70, ou là, 100% de métaplasique, donc ça implique aussi gradale. Et cette métaplasie intestinale, bon, on recherche ce qu'elle est, le siège de signes de dysplasie. Et cette dysplasie, elle est gradable aussi, dysplasie de Magrade et dysplasie de Magrade, c'est par rapport au degré d'atypie. Donc, la métaplasie intestinale, donc c'est un facteur de risque pour le carcinome gastrique intestinal, parce qu'il y a un type de l'adénocarcinome qui est vu dans la physiopathologie, elle n'est pas la même comme dans les gastriques. Diapo. Donc là, vous avez des images sur coloration standard. Vous voyez que tous les points radoux, ce sont des cellules caliciformes. Vous savez que l'épithélium, si la surface est décrite des glandes d'épithélium, c'est un hyperglande à point de queue fermé. Si on retrouve des cellules à calice ou des cellules caliciformes, avec des cellules, des entérocytes, ce sont des cellules intestinales. Vous voyez là, c'est une métaplasie intestinale qui est diffuse. Donc elle est de 3 croix. Donc, plus fort grossissement. Donc vous voyez là, c'est une glande, c'est une crypte en métaplasie intestinale parce qu'il y a une cellule caliciforme. Et là, c'est un infiltrat qui est à plasmocyte, donc un des plasmocytes. Les points sans cytoplasme, alors c'est le cytoplasme. Voilà, le noyau est en périphérie, donc c'est un plasmocyte. Les noyaux sans cytoplasme sont les lymphocytes. Le noyau segmenté, qui est là, ce sont les polynucléaires. Donc, elle est une gastrite, parce qu'il y a des lymphocytes et des plasmocytes. Une gastrite chronique, active, activité, donc polynucléaire dans le corion et dans l'épithélium, activité de corps. Donc là, si on retrouve des polynucléaires neutrophiles, on va rechercher au plus fort consistant au niveau du fil muqueux, hein, les bâtonnets des Helicobacter pylori. Bien sûr, c'est un critère aussi mental. S'il y a beaucoup, c'est 3 fois. S'il y a difficilement à voir, c'est 1 fois. Si on le retrouve de temps en temps, c'est 2 fois. D'accord. C'est un filtre inflammatoire, alors, donc, il peut s'organiser en follicules. Donc une chose importante aussi, la présence donc des gastrites chroniques, il y a plusieurs types. Hein. Les types les plus fréquents, c'est les gastrites Helicobacter pylori, 80-90%. Puis il y a à 10%, c'est auto-immune, ça reste sans exception d'ailleurs, très rare. La présence, donc lorsqu'on examine une biopsie, lorsque si on retrouve un processus chronique, donc il est là, on retrouve des Helicobacter, des polynucléaires neutrophiles, ou la dépolycule lymphoïde, avec des signes histologiques indirects de la présence de Helicobacter pylori. C'est-à-dire les autres causes de gastrite chronique, il n'y a pas d'étiologie ou d'agent causal qui vont induire la formation de follicules lymphoïdes ou là qui vont recruter des polynucléaires neutrophiles. D'accord. Donc la présence de polynucléaires neutrophiles dans le corion ou là de follicules lymphoïdes, ou en cas de gastrite chronique, donc c'est un signe indirect de Helicobacter pylori. Bien. Question pour l'HP. Pas de question. Donc gastrite auto-immune, donc 10%. Donc l'agent causal, l'astagent causal, endogène. Hein? Ce sont des auto-anticorps qui sont dirigés contre les cellules pariétales. C'est quoi les cellules pariétales? Ah, la cellule pariétale du thymus et du gland. Ah, bon, c'est très important, cellules pariétales. S'ils sont détruites, donc ils poursuivent des émissions de la sécrétion. Et bien sûr, ces auto-anticorps sont dirigés aussi bien contre les cellules pariétales que les facteurs intrinsèques. Donc, facteurs intrinsèques, donc anémie, égale au plastique. Donc, vous avez fait. Donc, je trouve que le cours aujourd'hui de gastrite, je trouve qu'il est plus facile avec vous en fin de cycle 4e année que au début, parce que au début, As-1 ou As-1. Donc, donc elle est exclusivement phallique. C'est pour ça qu'il faut une topographie dans les cynicistins parce que c'est un processus qui est sélectif. Donc, réaction antigène, anticorps. Donc, il n'y a pas d'atteinte centrale dans la gastrite chronique auto-immune parce qu'il n'y a pas de cellules pariétales. Si on retrouve entre-inflammatoire, biopsie entre-inflammatoire, c'est-à-dire l'association Helicobacter pylori. En atteinte fendique entre gastrite et normale. Sur le plan histologique, il y a recrutement surtout de l'infiltrat lymphoïde, donc c'est surtout des lymphocytes, ce n'est pas des plasmocytes, avec atrophie des cellules pariétales principales, donc il faut achlorhydrie. Donc cette hypoachlorhydrie, donc cette hypoacidité du cycle gastrique va stimuler des cellules G, qu'on retrouve au niveau entre sont les cellules de la gastrine. Cette gastrine a comme effet hypertrophique et stimulateur au niveau fascicule pariétal. Donc, cette stimulation excessive est toujours présente et permanente, donc va entraîner. Donc, il n'y a pas de cellules pariétales qui vont répondre à ces stimuli, donc il y a des cellules résiduelles, parce que, chose que j'ai oublié de vous dire, que dans l'épithélium des glandes, il y a des glandes mycosécrétantes. Au niveau du fendus, il y a des glandes pariétales, des cellules pariétales, et il y a des cellules, bien sûr, endocrines. Des cellules endocrines qui sont dispersées, c'est-à-dire qui sont rares. Puis, une cryptolite, puis une glande, on retrouve une à deux cellules endocrines. Ces cellules endocrines, dans la sécrétion, elle est variable par rapport à la topographie. Au niveau du fendus, de l'autre, il y a surtout les histamines, gastrine, etc., somatostatine. Au niveau fendus, c'est la cellule ECRM. D'accord ? Anti-hypochromatine, like, etc. Ces cellules endocrines, donc, c'est un processus auto-humain. Il va détruire seulement les cellules pariétales. Qu'est-ce qu'il reste ? Les cellules muqueuses, les glandes, et les cellules endocrines. Donc, déjà sur le plan, vous pouvez déduire l'aspect histologique. Donc, ces cellules pariétales, ils ont un aspect qui est cytoplasme terminé rouge. Éosinophile, filmogranuleux, les grains de sécrétion de l'intestin et de la leucine. Donc il n'y a pas de cellules radiodentes, il n'y a que les cellules microsécrétantes, donc les glandes deviennent des glandes claires qui ressemblent aux glandes entrales. Parce que les glandes entrales elles sont strictement microsécrétantes. D'accord ? Donc si on fait une biopsie au niveau du fendus chez un malade atteint d'une gastrite auto-immune, donc on retrouve un aspect pseudo-entral, bien sûr. Cette stimulation permanente par la gastrine, donc les cellules qui vont répondre, ce sont les cellules endocrines résiduelles. Qu'est-ce qu'il y aura comme réponse? Une hyperplasie dispersée. Donc au lieu de retrouver une à deux cellules par glande, on retrouve 3-4 cellules par glande. Puis il y a une hyperplasie qui est linéaire, ces glandes endocrines vont répondre aux stimuli, donc elles vont s'agencer en chaînette. Elles se mettent hyperplasie linéaire, puis ces cellules enchaînantes donc, vont former des amas et des micronodules. Elle est micronodulaire, puis un nodule qui est plus grand, puis il devient un nodule qui est macroscopique. Donc ce sont qui est composé de cellules endocrines et bien sûr dysplasie avec signes de dégénérescence. Donc, dégénérescence, ce n'est pas des carcinomes, c'est un carcinome neuro-endocrine. Maintenant, on ne dit pas carcinoïde dans l'étude digestive, on parle de tumeur neuro-endocrine. راح تدينو من اسمه دي كارسينو نو اندوكين لا 2014 je pense 2010 on parle de tumeur neuro-endocrine. Grade 1, grade 2, grade 3, c'est par rapport aux atypistes follicules et par rapport à la nécrose et mitose, d'accord? Carcinoïde est réservé au poumon. Donc, on parle carcinoïde typique, carcinoïde atypique, poumon. Donc, avec la nouvelle classification de 2015, avec les mêmes poumons, ma frache carcinoïde, d'accord? Donc, terme carcinoïde, tube digestif, intestin grêle ou la haja, ma frache carcinoïde. On parle anciennement carcinoïde, on parle de tumeur neuro-endocrine. Grade 1, grade 2, grade 3. D'accord. Donc comme complication, hypertrophie neuro-endocrine, donc une tumeur carcinoïde allée normalement le HIA, c'est pour l'idée, tumeur neuro-endocrine. D'accord. Et bien sûr, il y a description de la masse glandulaire fendique. Et bien sûr, il y aura un tissu de remplacement, c'est la fibrose, une atteinte épithéliale, régénération épithéliale, et bien sûr, risque de métaphasie, d'esparier, donc régénération de la délocation. Donc, comme indication néoplasique pour les gastrites auto-immunes, c'est les adénocarcinomes et les tumeurs neuro-endocrines. Pour les Helicobacter pylori, c'est les adénocarcinomes et les nymphes. Là, c'est un aspect endoscopique d'un estomac normal, donc un aspect qui est régulier avec conservation des plis gastriques. L'estomac derrière avec des plis gastriques. Ça, c'est un aspect d'un fond d'œil, aspect d'une muqueuse en fond d'œil. Pourquoi en fond d'œil? C'est un fond d'œil maritime, tu ne pas parce qu'il y a des vaisseaux qui sont visibles. Pourquoi les vaisseaux sont visibles? Parce que la muqueuse, elle est très atrophique. Les vaisseaux de la sous-muqueuse deviennent visibles. Donc, c'est un aspect endoscopique évocateur d'une maladie de BMR ou d'une gastrite auto-immune. Sur le plan histologique, on ne retrouve pas de glande, donc pas de glande complètement, il n'y a que le réservoir épithélial qui s'invagine en cuivre. D'accord. Donc, il n'y a pas de glande ici. Et depuis son surface, il est complètement en métaphasie intestinale. Je vais prendre le filaire, c'est une sucroplasme en calice, d'accord, avec une petite fibrose et un infiltrat qui est l'impositeur. Donc, aussi, c'est une métaphasie intestinale, elle est celui qui a décidé de prendre le poids. Alors, donc, métaphasie intestinale, dysplasie, là, il y a la possibilité d'adénocarcinome. Pour mettre en évidence l'hyperplasie neuro-endocrine, cette hyperplasie neuro-endocrine, le signe neuro-endocrine a l'état dans la coloration du HE et matinée et osine, elles ne sont pas visibles parce qu'elles sont des cellules claires qui ressemblent aux cellules mycosécrétantes. Donc il faut faire une technique spéciale, c'est la technique d'immunohistochimie. Donc j'ai mis une technique d'immunohistochimie pour moi pour connaître quoi est l'immunohistochimie. L'immunohistochimie, ce sont des antibodies qui sont dirigés contre un antigène spécifique. Par exemple, là, pour les cellules endocrines, on va viser certaines propriétés de cellules endocrines comme la sécrétion de chromogranine. Donc, on utilise un anticorps contre le chromogranine. Donc, si cet anticorps est couplé à une coloration évasionnable, une coloration spécifique, un allée brunâtre, donc on met en évidence une hyperplasie, l'allée dispersée et linéaire. Donc, c'est ça la coloration. Donc, l'aspect le fond et les bleus. On ne fait pas une coloration primaire, sinon marron à rouge, donc il faut une coloration bleue, c'est la contre-coloration. D'ailleurs, vous voyez une hyperplasie qui est linéaire, elle est vocalement micro-nodulaire, donc il signe aussi, donc il confirme le processus auto-humain de l'affection gastrique. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour la gastrite chronique auto-immune? Là, donc, les autres formes de gastrite, il y a la gastrite à iodinophile, donc il touche le pylore, le traitement c'est le corticoïde, donc gastrite à iodinophile, donc l'agent, donc les éléments inflammatoires, ce sont les polynucléaires et iodinophiles. Il apparaît surtout ces sujets avec un terrain atopique, les asthmatiques, etc., vont développer soit une oesophagite à un microbacteur, à polynucléaire iosinophile ou la gastrite iosinophile ou la colite iosinophile. Le traitement est fait par des corticoïdes. Donc, pour connaître l'étiologie, c'est très important. Donc, l'indication des corticoïdes, elle n'est pas dans l'hélicobacter pylori ou là dans la gastrite pylori. La gastrite lymphocytaire, sous une forme particulière, parce qu'elle a un aspect particulier sur le plan, qui n'a pas le sujet âgé. Un aspect particulier sur le plan endoscopique, un aspect varioliforme, avec des nodules au niveau de la nucléose, avec une infiltration de l'épithéome en surface par des nymphocytes. Gastrite granulomateuse, bien sûr, donc c'est la présence de follicules épithéliogiques multicellulaires au niveau de la nucléose. Bien sûr, ça peut être tuberculose, sarcoïdose, ou la maladie de Crohn. Les 90% de la population mondiale est d'HP. L'HP peut être symptomatique, ou les cas sont sans lésion histologique importante, etc. Et bien sûr, cette population qui représente 90% elle peut avoir une lésion sous forme de gastrite auto-immune, gastrite maladie de Crohn. Donc, elle a le droit de faire quel type étiologique de gastrite chronique. Donc là, c'est un exemple d'une gastrite granulomateuse dans le corium de siège de follicules épithéliogiques multicellulaires grâce à l'écrostasiose. Ce sont des follicules qui sont bien cernés, très probablement qui s'appuient dans la dépétrole. Là, c'est une gastrite apolynucléaire d'éosinophile. Là, c'est une gastrite lymphocytaire avec un aspect variolifant évocateur sur le plan endoscopique. Donc, la prochaine fois, on va faire la maladie ulcéreuse et les cancers. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord.